Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons à Beyrouth. Beyrouth où s'est rendu le président de la République Emmanuel Macron après l'explosion au début du mois d'août. Beyrouth où nous allons fêter, ce sera le 1er septembre, le mandat français, le centenaire du mandat français. C'était le 1er septembre 1920. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. En 1783, l'orientaliste Volney voyage en Syrie. C'est le regard d'un Français sur le Levant. Il en tire un ouvrage, un compte-rendu de voyage, dans lequel il s'intéresse à l'état politique de la Syrie. Et lors de ce voyage, Volney est de passage à Beyrouth. Ville millénaire, sans doute, elle a perdu de sa superbe, devenue une belle bourgade de province de l'Empire ottoman. Beyrouth compte alors environ 6000 habitants. Volney écrit: ce mur et ces vieilles tours sont sans défense. Il s'y joint deux autres inconvénients qui condamnent Beyrouth à n'être jamais qu'une mauvaise place. Car d'une part, elle est dominée par un cordon de collines qui court à son sud-est et d'autre part, elle manque d'eau dans son intérieur. Les femmes sont obligées d'aller la puiser à un demi-quart de lieue à une source où elle n'est pas trop bonne. Voilà Beyrouth en 1783, vu par un Français. Volney meurt en 1820. Oh, Beyrouth n'est toujours pas une grande ville, mais l'intérêt qu'elle suscite grandit. Ce qui est certain, c'est que Beyrouth n'est pas une mauvaise place. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons à Beyrouth. Beyrouth, histoire d'une ville. Hier, nous étions dans le port antique, le port de Beyrouth, le port phénicien. Une émission que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast, c'est la balado-diffusion. Une émission que vous pouvez commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et aujourd'hui, nouvelle capitale, Beyrouth sous mandat français. Oui, parce que Beyrouth devient une capitale, c'est la naissance d'une capitale, Beyrouth. Il y a 100 ans, le Liban était placé sous mandat français. Commence alors le long chemin vers l'indépendance. Et pour en parler, Carla Hédé, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, directrice du département d'histoire relations internationales à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Vous êtes membre du comité scientifique du musée de Beyrouth et vous êtes l'auteur de Beyrouth, naissance d'une capitale 1918-1924, un ouvrage paru aux éditions Actes Sud. Mais où êtes-vous, Carla Hédé? Je suis à Beyrouth, pas très loin du port d'ailleurs. Pas très loin du port. Je suis donc dans mon Beyrouth natal. Affligé par les explosions du port. Dites-nous, il y a eu des dégâts. Vous dites que vous n'êtes pas très loin du port. Vous en avez été victime? J'ai eu beaucoup de chance. Alors, l'université Saint-Joseph de Beyrouth, donc, à laquelle je suis rattachée, a eu en revanche beaucoup de dégâts matériels et ainsi que des pertes humaines, malheureusement. Mais bon, nous allons nous en sortir puisque nous n'avons pas beaucoup d'autres options. Ce que nous voulons comprendre aujourd'hui dans le cours de l'histoire, et c'est un peu ce qui nous guide toute la semaine, c'est pourquoi ce qui s'est passé à Beyrouth au début du mois d'août 2020, cette explosion, a eu un retentissement qui va au-delà de ce que l'on peut assister lors d'un accident industriel. Il y a un attachement à Beyrouth, il y a un attachement au Liban. C'est cet attachement que nous voulons comprendre. Et justement, pour parler de cette histoire de Beyrouth et du lien entre Beyrouth et la France, avec nous également aujourd'hui, Julie Dandurin, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lorraine. Vous êtes spécialiste de l'histoire coloniale de l'Afrique noire et du monde arabe. Et vous avez soutenu une thèse en 2009 qui s'intitule « Le général Gouraud, un colonial dans la Grande Guerre ». Vous êtes l'auteur notamment de « Colonialisme ou impérialisme, le parti colonial en pensée et en action ». C'était aux éditions Hémisphère. Et puis d'Henri Gouraud, « Photographie d'Afrique et d'Orient, trésor des archives du Quai d'Orsay ». Dites-nous, Julie Dandurin, qui est ce général Gouraud? Il est un peu oublié aujourd'hui. C'est un nom qu'on croise de temps en temps. Pourtant, c'est un homme essentiel. Oui, effectivement, c'est un homme très important à cette époque-là, les années 20. C'est véritablement un des grands généraux très importants de la Première Guerre mondiale, aussi connu que Pétain, aussi connu que Lyautey. C'est fonctionnellement le second de Lyautey dans toute la partie coloniale. Et puis, un des grands généraux vainqueurs, libérateur de Strasbourg, et qui est envoyé par Clémenceau au Liban, mais que l'on n'appelle pas à cette époque-là le Liban, mais qu'on appelle la Syrie, en fait, pour prendre en charge le mandat. Oui, parce qu'il faut vraiment clarifier les lieux, et puis les gens, les institutions. Où sommes-nous? Si nous nous trouvons à Beyrouth, allez, plaçons-nous en 1917. Quelle est cette ville de Beyrouth en 1917? Carla Aidé, Beyrouth n'est pas alors une ville particulière, c'est une ville dans un empire. C'est une ville qui a une histoire très longue, mais qui a perdu un peu de sa superbe. Alors, tout à fait, nous sommes encore dans l'Empire ottoman qui domine les provinces arabes, donc dont notamment Beyrouth. Beyrouth a quand même un statut particulier. Elle est capitale d'une province qui porte son nom d'une part, donc une province littorale qui dépasse les limites du Liban actuel pour aller un peu plus loin en Syrie et en Palestine d'ailleurs, selon la terminologie d'aujourd'hui. Et Beyrouth, en fait, est déjà un peu érigée en capitale modèle dans l'Empire ottoman, parce que c'est une ville où l'influence étrangère, notamment française, est très très forte. Donc le pouvoir ottoman a voulu essayer de réagir en faisant une capitale d'une province et en essayant d'y investir. Mais effectivement, en 1917, Beyrouth n'est pas en très bonne posture, puisque le pouvoir ottoman a aussi profité de la guerre pour lancer un grand chantier de modernisation de la ville. Il s'est contenté pendant la guerre, faute de moyens, d'exproprier une grande partie de la vieille ville, et il a abattu les biens-fonds, mais il n'a pas encore indemnisé les ayants droit et il n'a pas encore surtout reconstruit. Donc effectivement, Beyrouth en 1917 est une ville ottomane qui ne se porte pas bien au niveau urbain, si vous voulez, au niveau de l'urbanisme, mais aussi au niveau humain, puisqu'il y a eu quand même une répression ottomane pendant la Grande Guerre qui a laissé des traces profondes au sein de la population, qui a aussi été très affaiblie par les épidémies et par toutes sortes, par la disette, la famine. Donc effectivement, les Français arrivent en septembre, enfin début octobre même 1918, dans une ville qui est extrêmement fatiguée par les années de guerre, qui a perdu une grande partie de sa population et qui est réellement à reconstruire. Oui, le tableau est assez sombre hein, à Beyrouth en 1918. Hein, nous entendons Carla Aidé qui nous parle de disette, de famine, et puis une ville qui se situe dans un empire en train de s'effondrer. Nous sommes à la sortie de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman disparaît. Julie Dandurin, que viennent faire les Français dans cette histoire ? Alors, les Français ne viennent pas pour la première fois, en fait. Ils étaient déjà présents en 1860. Ils étaient déjà intervenus, à la demande d'ailleurs des Libanais et des habitants de la montagne et de la ville de Beyrouth. Et cet héritage, en fait, de 1860, du Second Empire, a compté beaucoup, en fait, dans les négociations qui ont amené et qui ont ramené les Français en Syrie et au Liban dans les années 20. Et notamment, tout ce lien avec la région qui va au-delà de Beyrouth, hein, c'est aussi la Palestine, c'est aussi la question de Jérusalem qui est derrière la question de Beyrouth, eh bien, pèse beaucoup dans les accords Sykes-Picot, les fameux accords Sykes-Picot qui partagent, en fait, le territoire entre les Français et les Britanniques, et qui exclut les Arabes en fait d'un droit à l'organisation autonome du territoire. Et là, très concrètement, fin 1918, il y a une renégociation de ces accords Sykes-Picot entre les Français et les Britanniques. Et les Britanniques, et notamment le général Allenby, acceptent que les Français s'installent dans la zone et ils vont s'installer en particulier à Beyrouth, qui va devenir en quelque sorte la tête de pont de la présence française dans la région. Julie Dandurin, Carla Aidé, vous êtes historienne et donc vous savez qu'avec l'histoire, et vous le faites naturellement, on joue avec le temps qu'il faut pour signer un accord. Vous évoquez ces accords qui permettent aux Français et aux Britanniques de s'installer dans la région. Ce temps-là est très court, une signature, mais tout de suite, vous changez d'échelle. Et c'est vrai que Beyrouth doit se comprendre sur un temps un peu plus long. Vous avez évoqué, Julie Dandurin, l'intervention en 1860 de Napoléon III sous prétexte, prétexte et puis réalité, d'aider les chrétiens d'Orient. Et puis vous, Carla Aidé, vous nous avez évoqué que l'Empire ottoman avait déjà changé son regard sur Beyrouth, voyant les Européens arriver. L'Empire ottoman avait voulu faire de Beyrouth une ville modèle. Quelle est la situation de Beyrouth socialement ? Beyrouth, aujourd'hui, quand nous regardons la situation, nous voyons des communautés religieuses. C'est ça qui est mis en avant. Était-ce déjà le cas au moment où les Français s'installent au Liban ? Certainement. Donc Beyrouth a une spécificité peut-être dans la région parce que elle a une très forte proportion de chrétiens. Donc, alors que dans l'ensemble de l'Empire ottoman, les villes en général sont dominées par la population musulmane, sunnite en particulier, Beyrouth offre un cas de figure un peu différent, déjà dans la deuxième moitié du XIXe siècle, puisque les chrétiens auraient été majoritaires. Alors, on ne va pas rentrer dans la querelle des chiffres. Est-ce que les chrétiens sont 60 et même plus, représentent 60% de la population ou même plus à la fin de la Première Guerre mondiale et ensuite, ou un peu moins. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas à Beyrouth de majorité et de minorité. C'est-à-dire que les chrétiens et les musulmans sont suffisamment importants pour peser politiquement et pour peser au niveau social et culturel. Donc aucun des deux groupes ne saurait être marginalisé. Et aucun des deux groupes ne saurait se passer de l'autre. Donc c'est à un double niveau par rapport au pouvoir français et par rapport aussi à la collaboration entre les locaux. Aucun groupe ne saurait accepter d'être marginalisé et aucun groupe ne pourrait concevoir de marginaliser l'autre. Ce qui crée des tensions quand même et de la collaboration, j'insiste, entre ces deux groupes, puisqu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes vues politiques pour l'avenir et ils sont en même temps contraints de tenir compte l'un de l'autre et ils s'efforcent de négocier ensemble une solution qui soit la plus adéquate pour les intérêts des deux groupes. Carla Aidé, nous parlons de groupes, en l'occurrence, souvent marqués par la religion, et il y a une autre grille de lecture à l'intérieur de chacun de ces groupes, c'est le positionnement social. Dans chacun de ces groupes, il y a des élites. Ces élites-là ont parfois les mêmes intérêts. Comment se construit le dialogue avec les Français qui arrivent au Liban après la Première Guerre mondiale ? Alors, d'emblée, le dialogue existe à Beyrouth, parce que Beyrouth, c'est la place forte, comme Julie Dandurin l'a dit, de la présence française au Levant. Et il faut aussi garder en tête que les soldats français n'occupent l'intérieur syrien, et en particulier les grandes villes de Damas, Alep, Homs et Hama. Les soldats français n'occupent pas ces grandes villes syriennes de l'intérieur avant fin juillet même, 1920. Donc la situation française dans l'intérieur syrien est assez précaire, alors que à Beyrouth, évidemment, à travers son port, c'est le lien direct avec la métropole. Et donc ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, c'est le mont Liban, l'arrière-pays ami, à travers cette protection séculaire des chrétiens catholiques, en particulier les maronites. Donc Beyrouth est une zone plus sécurisée pour l'installation de la France et le fait d'en faire la capitale. Et comme je disais tout à l'heure aussi, la composition démographique et socio-culturelle de la ville rend aussi les rapports plus complexes entre, disons, occupants et occupés. Donc d'emblée, la collaboration va s'installer entre les élites locales et les responsables français. Et elle va s'installer dans le relèvement de la ville déjà, puisque comme ça a été évoqué tout à l'heure, il y avait quand même des séquelles de la Grande Guerre et une situation de disette, de pénurie de toutes sortes. Et cette collaboration va être aussi facilitée par le fait que le pouvoir français est à la recherche d'alliés, pas seulement dans les cercles traditionnels où il a ses réseaux d'influence, mais aussi parmi les groupes qui lui seraient a priori hostiles, c'est-à-dire les musulmans et leurs élites en particulier. Et la municipalité de Beyrouth va jouer un rôle clé dans cet édifice, puisque l'œuvre de relèvement de la ville, d'abord la distribution des rations, l'approvisionnement, le règlement des questions en suspens, elles sont très très nombreuses, pour les expropriations, pour les loyers, pour les dettes de toutes sortes. D'emblée va s'installer cette collaboration entre les élites locales, y compris musulmanes et unionistes, celles qui défendent le projet d'union syrienne et arabe, et le pouvoir français dans la gestion du quotidien, à travers essentiellement la municipalité de Beyrouth. Et oui, et pour cela, il faut des hommes de talent, des hommes choisis avec soin. Julie Dandurin, pourquoi le général Gouraud a été envoyé à Beyrouth ? Alors, effectivement, c'est une grande question de se demander pourquoi Clémenceau, qui est président du Conseil, qui n'est pas du tout colonialiste dans l'âme, qui est même anticolonialiste, pourquoi envoie-t-il le général Gouraud, qui est un des grands représentants du parti colonial ? Ça me paraissait, moi, au début de mes recherches, un grand mystère. En réalité, c'est lié tout cela à des questions de sortie de guerre et au besoin de Clémenceau, en fait, de trouver un militaire, un responsable militaire de très haut niveau, qui soit de même niveau que le général Allenby. Et en fait, Gouraud, à la sortie de la guerre, c'est presque un maréchal. Et on a pensé lui donner son bâton. Et donc, on a que cet officier, en quelque sorte. L'autre auquel on avait pensé, c'était Charles Mangin. Mais Charles Mangin est pour reprendre un terme d'aujourd'hui, disruptif. Et donc, on préfère plutôt le général Gouraud. Mais il y a aussi d'autres officiers, notamment le gouverneur Trabeau, qui va jouer aussi un rôle très important. C'est le gouverneur du Liban et le responsable de l'île de Rouad qui se trouve en face de Beyrouth, qui commande, en fait, qui préside aux destinées de Beyrouth durant toute la période du mandat de Gouraud, c'est-à-dire de 1920 à 1923. Donc on a bien deux militaires, un qui représente l'armée de terre et le mandat, et puis d'autre part le gouverneur Trabeau. Julie Dandurin, vous utilisez ce mot mandat, nous l'utilisons, c'est le mandat français. Il faut peut-être expliquer ce qu'est un mandat tout simplement. Oui, alors effectivement, le mandat, c'est la nouvelle invention, en fait, à la sortie de guerre, après les colonies, après les protectorats qu'on avait utilisés principalement en Afrique du Nord, eh bien, pour mettre en place une tutelle avec une nouvelle forme, en essayant de faire en sorte que cette tutelle ait l'apparence de ne pas être trop importante, eh bien, on invente ce terme de mandat qui vient, en fait, d'un général sud-africain, Smuts, et qui dit, qui affirme que ces pays deviendront indépendants. Mais avec le problème, c'est que le terme, le moment où l'indépendance va être donnée, n'est pas précisé dans les documents d'origine. Et dès le début, en fait, ça va poser problème avec les élites arabes, mais également avec les élites de Beyrouth, parce que en réalité, même les chrétiens, même s'ils sont favorables à la présence française, il y a une partie d'entre eux qui veulent s'assurer en fait de la possibilité d'une autonomie libanaise par rapport au grand ensemble syrien. Et toute la période en fait du général Gouraud, c'est la question de la création du Grand Liban dans un ensemble qu'on appelle à cette époque-là la Grande Syrie. Et dans l'esprit d'Henri Gouraud, eh bien, le Grand Liban n'est pas incompatible avec la Grande Syrie. Alors, ça devient très compliqué à comprendre quand on entre dans ces détails, mais c'est la réalité de l'histoire. Et puis, c'est essentiel pour comprendre la situation d'aujourd'hui, parce qu'il y a des échos. Le Liban, la Syrie, nous savons bien aujourd'hui que les tensions sont toujours présentes. Je vous propose d'écouter le général Gouraud. Alors, avec la voix de Daniel Koenigsberg, Daniel qui lit un extrait du discours du général Gouraud. C'est lors de l'ouverture de la foire exposition de Beyrouth. Nous étions en 1921. Messieurs, lorsque l'année dernière, à pareille époque, alors que le pays sortait à peine de l'angoisse, de la tourmente et de la famine, alors qu'une guerre fratricide ensanglantait vos frontières, alors qu'un mur élevé par une politique détestable et absurde séparait le Liban de la Syrie, il eût pu sembler paradoxal et téméraire de prévoir qu'un an plus tard, nous serions ainsi réunis. Nous avons peut-être le droit d'être fiers du résultat obtenu en un an, et de penser que si l'œuvre de la France en Syrie et au Liban n'est, pas plus qu'aucune œuvre humaine d'ailleurs, à l'abri des critiques qui ne lui ont pas été ménagées, nous y répondons de la bonne manière, en donnant à ce cher et beau pays, naguère divisé, agité et meurtri, tous les jours, plus de paix, d'union et de prospérité. Je me plais à espérer que les rivalités entre confessions, dont la permanence serait une cause de faiblesse pour le Grand Liban, iront s'atténuant. Lorsque les représentants, les fonctionnaires, les magistrats du Liban pourront être désignés, qu'ils soient catholiques, orthodoxes, musulmans ou druzes, uniquement en raison de leur valeur, de leur instruction, de leur caractère, un grand pas aura été fait dans le progrès politique du pays. Daniel Koenigsberg qui lisait un extrait du discours du général Henri Gouraud, c'était lors de l'ouverture de la foire exposition de Beyrouth en 1921, donc un an après l'arrivée des Français à Beyrouth. Carla Aidé, vous avez écrit un ouvrage intitulé « Beyrouth, naissance d'une capitale 1918-1924 ». Il faut le souligner, Beyrouth devient capitale, donc au XXe siècle, l'indépendance du Liban est quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire. L'indépendance du Liban se retrouve dans l'Antiquité, et puis après, le pays a été sans cesse sous domination romaine, ottomane, et là, il y a un changement radical. Tout à fait. Donc, vous avez parfaitement raison de le souligner. Je voudrais aussi ajouter à ce propos que Gouraud, tout en étant évidemment du parti colonial, a une certaine idée du colonialisme, donc une certaine idée de la politique musulmane de la France, qui allie un peu le faste et la protection, le respect, au moins dans les apparences, des locaux et des musulmans, entre autres, parmi eux. Et donc, dès qu'il arrive, il donne des directives pour que les administrateurs français soient remplacés par des administrateurs locaux et que soient placés à leur côté ce qu'on va appeler les conseillers administratifs. Donc, vous voyez l'inversion des rôles, comme quoi les indigènes ou les autochtones sont en fonction officiellement et ils ont, dans le cadre du mandat, donc à conseiller les locaux dans la gestion du quotidien. Donc ça fait beaucoup partie de sa politique de toujours mettre en avant les locaux, ce qui a quand même facilité la collaboration. Et par rapport à Beyrouth, effectivement, il y a ce grand projet de foire et qui fait partie des plans français pour d'une part mettre en valeur ce nouveau territoire Syrie-Liban sous mandat français et d'autre part montrer aussi les bienfaits du mandat français aux locaux. Et ça fait partie d'une série de mesures qui sont adoptées, en particulier pour Beyrouth, qui va donc entrer dans un grand chantier de reconstruction et de modernisation avec, si vous voulez, les valeurs qui sont celles de l'urbanisme européen de la fin du 19e siècle, qui sont centrées autour de la circulation, de l'hygiène et de l'embellissement. Et Beyrouth va bénéficier de ce programme, de ce projet, et va réunir une grande partie des investissements. Et ce projet séduit, et enfin les locaux ou les élites en particulier, qui adhèrent même complètement, même si elles ne sont pas toujours d'accord, de confier à des sociétés françaises l'application de ce projet. Mais donc un dialogue est possible parce que le principe de la modernisation de Beyrouth est partagé par les pouvoirs français d'une part, les élites locales, qu'elles soient anti-mandat français ou qu'elles soient acquises au mandat français. Oui, quand le général Gouraud arrive au Liban, les difficultés sont immenses, bien plus hautes que le mont Liban. Et pourtant, il y a énormément d'espoir. Julie Dandurin, il y a une vraie réflexion, une vraie politique mise en place. Quand Gouraud arrive, il a déjà fait ses armes dans les colonies, en Afrique, Afrique noire. Et là, il se trouve dans un autre monde. Il change sa manière de procéder. Alors, pour Gouraud, ça n'est pas complètement un autre monde. C'est le monde arabe. En fait, il arrive dans le monde arabe et pour lui, un des éléments importants de ce monde arabe, c'est la prise en compte de l'islam. Et comme vient de le dire effectivement Carla Aidé, le général Gouraud est un de ses officiers, c'est d'ailleurs pour ça que Clémenceau le choisit, qui apparaît comme un ami des Arabes et des musulmans, mais également un ami des chrétiens. Et d'ailleurs, on lui prête aujourd'hui quelque chose qui est totalement apocryphe, cette idée qu'il aurait préféré les catholiques aux musulmans, avec cette phrase « Saladin, nous revoici », qui est totalement fausse, qui est créée après coup par les équipes de Sarraï. Et en fait, le général Gouraud, avec d'autres personnes de son entourage, et notamment le capitaine Catroux, se pose véritablement la question de ce que c'est que le mandat. Comment vont-ils interpréter le mandat? Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la résidence des Pins, qui constitue le centre du pouvoir du mandat, eh bien, il y a des avis très divergents entre les militaires d'une part et les civils qui sont représentés par Robert Dequay. Et là, on casse complètement les images que l'on a traditionnellement des militaires et des civils. Les militaires sont plus progressistes que les civils parce que Gouraud, mais surtout Catroux, en fait, sont très vite assez favorables pour une indépendance rapide, étant entendu qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique et que les élites locales, en fait, ont des capacités de s'organiser politiquement. Et celui qui bloque, c'est Robert Dequay, le secrétaire général du mandat, qui lui appartient aussi au parti colonial et représente une frange plus radicale du parti colonial et qui refuse en fait, en prétextant une incapacité en fait de ces élites locales à s'entendre. Alors la question des rivalités revient beaucoup, mais on retrouve là en fait un vocable qui avait été utilisé au Maroc pour justifier la domination. Au Maroc, on utilisait le terme d'anarchie marocaine. Et ça permettait à Lyoté de dire « moi, je vais régler la solution ». Eh bien, ici, dans cette région du monde, on parle des rivalités entre les chrétiens et les musulmans pour justifier le mandat. Mais c'est quelque chose auquel les Français sont confrontés. Il y a, sur le temps que nous étudions, une évolution assez rapide. Carla Aidé, vous avez intitulé votre ouvrage « Beyrouth, naissance d'une capitale 1918-1924 ». Pourquoi cette année 1924 ? Écoutez, parce que effectivement, en 1923, le mandat entre officiellement en vigueur et il est progressivement reconnu par les puissances. Donc en 1924, c'est enfin chose faite avec la reconnaissance des derniers États comme les États-Unis et d'autres. Donc la France, si vous voulez, voit sa position enfin consolidée par cette reconnaissance internationale qui a tardé à venir. Et donc, effectivement, c'est comme une page qui est tournée. Et puis c'est un peu 1924, c'est un peu la fin des oppositions locales, même si, comme on le sait, il va y avoir la grande révolte syrienne en 1925. Donc c'est un peu le calme qui précède la tempête. Mais effectivement, dans 1924, c'est un peu un tournant dans le sens où la France se considère enfin installé dans son mandat, reconnu, bien établi, plus ou moins, peut-être pas accepté, mais ne suscitant plus autant d'opposition pour beaucoup de raisons, et en particulier, bien sûr, à Beyrouth. Je voudrais quand même aussi revenir sur la question de la définition du mandat. Donc, Julie Dandurin a bien expliqué que c'est une forme un peu bâtarde, une invention de la fin de la Première Guerre mondiale. Et comme ça a été dit, c'est quand même important de relever le fait que le mandat donc est à durée transitoire, même si elle n'est pas déterminée d'avance. Mais c'est aussi quand même un statut d'exception, puisque l'indépendance des populations est d'ores et déjà reconnue, mais que l'exercice de la souveraineté est soumis à des conditions qui sont exactement le mandat. Mais donc cette question de la reconnaissance de la souveraineté va être tout le temps mise en avant, comme Julie Dandurin l'a si bien dit, et par les opposants au mandat et aussi par les alliés du mandat, donc ils vont reprocher, si vous voulez, à la France continuellement le fait de ne pas respecter l'esprit du mandat. Or Gouraud joue le jeu, essaye de jouer le jeu, effectivement, en essayant justement de faire participer la population et à travers les élites naturellement. Et puis il faut aussi comme savoir que la France n'a plus tellement les moyens de ses ambitions coloniales. Un chiffre est assez évocateur à mon sens, c'est qu'en 1925, par exemple, on a 326 agents civils français sur l'ensemble du territoire syro-libanais. Au même moment, il y a 6700 quelque chose, agents français au Maroc. Puis il n'est qu'un protectorat, sans parler bien sûr de l'Algérie française. Donc effectivement, le principe de la collaboration est inscrit dans l'esprit du mandat et dans les réalités du mandat, même si ça ne veut pas dire que le pouvoir français n'essaye pas, si vous voulez, de contrôler au mieux de ses moyens les décisions locales. Et Beyrouth en est un exemple tout à fait singulier, puisque c'est en même temps la capitale du mandat français et de l'État libanais, et que tous les efforts vont converger vers sa mise en valeur. Eh bien justement, Carla Aidé, Julie Dandurin, je vous propose d'aller faire un tour à Beyrouth en 1926 avec un guide. Mais quel guide magnifique, l'écrivain Joseph Kessel. Oui, Joseph Kessel s'est rendu à Beyrouth en 1926. Et écoutez, c'est magnifique parce qu'il nous fait voyager dans la ville, il nous fait entrer dans la ville. Il racontait son séjour à Beyrouth en mai 1956 dans l'émission Entretien avec, en l'occurrence Entretien avec Joseph Kessel. Nous étions dans la rue principale, envahie de circulation, de fiacres, de vendeurs de denrées diverses, lorsque s'ouvrit sur notre droite, même pas une ruelle, mais une sorte de fissure entre deux vieilles maisons. Nous sommes engagés dans cette fissure, nous avons descendu quelques marches, et là, j'ai été transporté dans un autre monde. C'était un fouillis, un lacis de ruelles, qui avait pour plafond la chaussée supérieure et l'emplacement des maisons qui étaient bâties dessus. Il y avait là des fumeurs de haschich recroquevillés dans des niches plus sales et plus étroites que des niches à chiens et qui étaient plongés dans leurs rêves toxiques. Il y avait un café où des hommes immobiles fumaient le narguilé et dont mon guide, l'inspecteur principal, me disait « Cela, je ne peux pas les arrêter parce que je n'ai pas de preuves contre eux », mais c'est là que les politiciens syriens ou les riches marchands viennent recruter des assassins. C'était vraiment la caverne d'Ali Baba et de ses 40 voleurs. Et puis, il y avait des maisons de prostitution, et puis des maisons de jeu, et tout ça sous la terre, dans des alvéoles puantes, mais pleines de couleurs, où les femmes se disputaient, où il y avait des rixes sans arrêt. Et quand nous sommes remontés de là, au bout de 3 heures, j'avais l'impression d'avoir vécu un rêve qui m'avait replongé dans les siècles passés, dans cet Orient vraiment mystérieux. Et la sortie de cet extraordinaire empire donnait sur un jardin avec un jet d'eau et avec un merveilleux cyprès au clair de lune derrière lequel une femme chantait doucement. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Joseph Kessel qui racontait en 1956 le voyage qu'il avait fait 30 ans plus tôt à Beyrouth. Joseph Kessel sublime dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Beyrouth sous mandat français, à Beyrouth où le général Gouraud a affaire à plein de contradictions. La situation est vraiment complexe. Julie Dandurin, quelles sont les épreuves qu'il doit surmonter? Parce que il y a ce mandat qui doit conduire à l'indépendance, mais comment aller vers l'indépendance? Il y a des tiraillements de tous les côtés, politiques, il y a la présence des militaires, il y a les chrétiens, les arabes, les élites. Comment ça se construit? Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, la première épreuve pour un général, c'est d'abord les ordres de Paris et de vérifier si les ordres de Paris sont cohérents avec le mandat qui lui a été confié. Et là, le général Gouraud se heurte très très vite à un problème. Il est nommé par Clémenceau, mais Clémenceau perd la présidence du Conseil très rapidement. Et en fait, avec son successeur Millerand, très rapidement, en fait, l'objectif de la présence française au Levant change. Tout simplement parce que Millerand n'a pas l'intention de laisser Faisal prendre le pouvoir à Damas. Donc c'est ça qui va amener en fait à la lutte contre les Arabes et à la fameuse bataille de Khan Messaloun en juillet 1920 dont parlait tout à l'heure Carla Hédé. Et dans le cadre de ce combat, c'est ça aussi qui explique en fait la création du Grand Liban et la nécessité d'isoler le Liban de la Syrie, en quelque sorte de créer un premier Hezbollah, parce que en fait le Liban, Beyrouth est la tête de pont en fait pour aller vers Damas, c'est là où on fait arriver les hommes et c'est là où les militaires ont besoin de s'ancrer. Donc il faut s'entendre avec les élites locales et les rapports sont plutôt bons avec les Maronites, mais en même temps tout en tension parce que Monseigneur Royek, qui est le patriarche des Maronites, exerce une action très forte, une action d'influence très forte sur le général Gouraud, sur Clémenceau, il va à Paris également, pour obtenir, pour renforcer l'indépendance qui avait été obtenue en 1861, enfin cette autonomie particulière du Liban. Et les militaires le vivent assez mal parce que ils ont l'habitude. Alors les militaires, c'est pas forcément le général Gouraud, mais c'est par exemple le colonel Hamelin qui était présent en Syrie et au Liban avant l'arrivée du général Gouraud et qui estime en fait que les Maronites et les musulmans par ailleurs jouent des jeux d'influence et essayent de d'influer sur la politique française. Et ça leur déplaît beaucoup. Et donc ils essayent de trouver un équilibre et on peut dire que durant toute la période où Gouraud est présent à Beyrouth et au Liban et en Syrie, c'est-à-dire de 1918 jusqu'à 1923, eh bien il essaye de trouver un équilibre entre l'ensemble de ces populations. Mais le résultat, c'est qu'il n'y arrive pas et que surtout, il voit les fonds qui lui sont alloués par Paris se réduire au fur et à mesure, ce qui fait qu'à la fin, en fait, il estime qu'il n'a pas les moyens de sa politique et il décide de rentrer à Paris. C'est pour ça qu'il est remplacé par le général Végan. Et justement, vous évoquez, Julie Dandurin, l'équilibre. Il faut trouver un équilibre. Mais est-il possible cet équilibre? Carla Hédé, Beyrouth est capitale, c'est une nouvelle capitale. Il y a le Grand Liban qui marche vers son indépendance. Mais l'équilibre est-il possible à trouver? Les Français, j'allais dire, ont fait de leur mieux dans leur politique, hein, dans le mandat que leur avait attribué la Société des Nations. Mais y avait-il une solution possible ? Pas réellement, parce qu'évidemment, il y a une contradiction dans le mandat, dans le principe même du mandat, il y a une contradiction. Comme vous dominez une population pour l'émanciper, comment faire les deux choses en même temps ? Donc déjà, dans le principe, cet équilibre est absolument introuvable. Et puis, comme Julie Dandurin l'a souligné, il y a ces jeux d'influence. Je ne parle pas uniquement de la mise en place de l'État libanais, qui est une affaire assez complexe et qui n'était pas le choix d'ailleurs de la France, qui aurait voulu gérer tout ça comme une seule entité parce que ça lui semblait rationnellement plus simple. Mais donc ces jeux d'équilibre vont se perpétuer pendant la durée du mandat, c'est-à-dire que ceux qui sont les unionistes, donc qui veulent l'unité arabe et la souveraineté, et les libanistes qui veulent un grand Liban distinct de toute entité syrienne et ou arabe, vont parfois s'allier, ne vont pas hésiter à s'allier contre le pouvoir français pour des projets, par exemple, comme la modernisation de Beyrouth. Donc, il y a un jeu d'équilibre permanent. En même temps, ces deux élites, ces deux groupes et les élites qui les représentent vont aussi parfois jouer l'une contre l'autre en demandant l'intervention française. Donc c'est un jeu complexe, ambigu, où il y a une multiplicité d'acteurs, puisque ça se joue ici, mais ça se joue aussi à Paris, et les élites locales n'hésitent pas à dénoncer à Paris ce qu'elles considèrent comme les abus du mandat. Donc il y a un équilibre effectivement très difficile à trouver et qui ne sera pas trouvé. Et si vous lisez la presse au quotidien à l'époque du mandat, même dans l'État libanais et à Beyrouth où ça se passe peut-être le moins mal possible, ce sont que des récriminations. Et puis vous avez un haut commissaire qui succédera plus tard à Gouraud, qui va dire, au fond, il était beaucoup plus simple d'avoir le rôle de protecteur, y compris des alliés chrétiens, que celui, au fond, d'administrateur et de conseiller. Donc, cet équilibre ne sera pas trouvé, ce qui va d'ailleurs contribuer à accélérer l'indépendance, puisque même pour la France, finalement, le mandat s'avère compliqué, coûteux, et ne remplit pas forcément toutes les promesses ou toutes les espérances qui y étaient placées. Et puis là, nous parlons presque de géopolitique, de décisions dans les cabinets ministériels, les militaires qui discutent entre eux. Puis il y a la réalité aussi du quotidien du mandat. Vous l'avez évoqué, Carla Haidé, quand on lit la presse, il y a le quotidien. Je vous propose une archive. C'est l'émission La femme et le foyer. Nous étions en juin 1949 qui évoquait la condition des femmes musulmanes. Voilà 2 mois que vous êtes revenue, madame de Beyrouth, et nos auditrices auraient aimé savoir pourquoi cette réunion de la commission de la condition sociale et juridique de la femme s'est réunie au Liban cette fois-ci. En effet, c'était assez inhabituel, car d'habitude, nous travaillons toujours à l'ex-success. Mais cette année, le Conseil économique et social, et les Nations unies en général, avaient désiré marquer tout l'intérêt qu'elles prennent à l'évolution des femmes musulmanes, en particulier, et avaient décidé cette réunion à Beyrouth. Nous avons travaillé là, devant un auditoire très nouveau, et nous avons pris des contacts particulièrement intéressants. Je crois, voyez-vous, puisque vous me posez cette question, que notre travail a été efficace, puisque dès le départ de notre commission, le gouvernement syrien a décidé d'accorder aux femmes l'égalité des droits politiques, et les déclarations que nous a faites M. Riad Sol et le ministre des Affaires étrangères du Liban nous laissent espérer que d'autres pays suivront bientôt la Syrie dans cette voie. Voilà, c'était en 1949 sur la condition des femmes musulmanes. Alors à Beyrouth notamment, Julie Dandurin, vous avez étudié particulièrement le général Gouraud. Il y a une vision civilisatrice, chez ces gens, c'est dur à dire ça. C'est vrai qu'il y a une volonté de changer les pays, de les approcher vers une forme d'occidentalisation. Et ça a été appliqué à Beyrouth. Oui, alors le processus d'occidentalisation de la ville avait déjà commencé avant l'arrivée des Français. Les Français ne vont que suivre un mouvement qui avait été initié localement, et ça Carla Haidé maîtrise ça très très bien, puisque l'Occident était un modèle pour l'ensemble en fait du Proche-Orient. Les autres grandes villes, Istanbul aussi, s'était occidentalisé beaucoup à la fin du 19e siècle. L'ensemble des territoires étaient francophiles, c'est aussi un élément extrêmement important pour comprendre la présence française au Levant. Et de fait, les Français vont amener quand même quelque chose qui n'existait pas nécessairement avant, c'est cet amour du pittoresque, qui est une grande caractéristique de l'architecture dans le monde arabe et qu'on avait au Maghreb, qui avait été développée par Lyautey. Et Gouraud arrive avec des architectes qui vont participer à l'embellissement de la ville. Mais dans un premier temps, on est sur des choses très concrètes. Il faut d'abord ramener de l'argent. Donc c'est la question du développement du port. C'est la question aussi de l'attribution de la plaine de la Beka aux Libanais plutôt qu'aux Arabes, parce que Gouraud fait confiance en fait aux Libanais pour ensemencer les terres de la Beka et ramener rapidement de l'argent. Donc, mais l'idée, c'est bien effectivement de développer cette ville en étages et de la tourner sur la mer, un petit peu comme les villes du sud de la France. C'est vraiment très clair dans les projets et très partagé en fait, à la fois par les élites locales et par les Français. Il y a les projets d'urbanisme, il y a les volontés d'organiser ce pays, il y a le mandat, et puis il y a la réalité. Dites-nous, Carla Aidé, comment prend fin ce mandat français ? Je voudrais commencer par revenir très brièvement sur la question de la femme, et de la femme musulmane en particulier. Donc certainement que le mandat va effectivement prôner les valeurs d'occidentalisation qui sont partagées par une partie des élites locales. Et nous avons là un témoignage absolument fabuleux de la fille d'un de ces bons représentants des élites béroutines qui va se dévoiler en public pour la première fois, donc nous sommes en 1928, mais donc le mouvement de dévoilement des femmes et de ce qu'on appelle la fin de la claustration, si elle existait réellement, donc il commence, et donc les femmes chrétiennes, évidemment, commencent le mouvement en se mettant en pantalon, par exemple, ce qui n'était pantalon à l'occidental, ce qui était du jamais vu, en fréquentant les plages, etc., et les femmes musulmanes aussi entrent dans ce mouvement. Donc il est certain que à ce niveau, la question de la femme a évolué à l'époque du mandat, même si évidemment là aussi, comme Julie Dandurin l'a dit, les prémices ou les bases étaient déjà posées. Mais il y a une accélération de ce mouvement, en particulier dans les villes, et Beyrouth à ce niveau n'est pas représentative, elle est atypique, puisque le dévoilement commence et va se poursuivre, donc commence dès les années 20 et va se poursuivre bien sûr par la suite. Donc sur la question de la fin du mandat, évidemment, la Première Guerre mondiale a vu la mise en place des entités politiques dans la région, dont l'État libanais, et la Seconde Guerre mondiale va accélérer leur émancipation. Et à ce niveau, la Syrie et le Liban vont bénéficier du fait qu'on se retrouve de nouveau dans la Seconde Guerre mondiale dans une situation ambiguë, parce que sur le terrain, ce sont les Britanniques qui sont réellement les plus forts. N'oubliez pas qu'ils sont déjà en Palestine, en Égypte, en Irak, et qui vont donc réellement vouloir émanciper la Syrie et le Liban, d'abord du pouvoir de la France vichyste, et ensuite peut-être même de la France tout court. Et les élites locales vont jouer de cette ambiguïté dans les relations entre la France et le Royaume-Uni, et jouer au fond la carte britannique contre la France pour accélérer l'indépendance du pas, tout en promettant d'autre part à la France de maintenir de bonnes relations si jamais justement on acceptait la fin du mandat et qu'on remplaçait ça par des relations privilégiées que ces élites ne voulaient pas formaliser par un accord écrit, mais en disant vous pouvez compter sur nous, nous sommes des amis, nous ne demandons qu'à être des amis, et donc plutôt que d'avoir des accords contraignants, des accords inacceptables avec la réelle indépendance, etc. Et c'est comme ça que la Syrie et le Liban sont parmi les premières colonies à voir le départ des troupes étrangères, ce qui est chose faite pour le Liban au 31 décembre 1946. Voilà, en 1946, le Liban est indépendant. Après deux décennies de présence française, c'est le mandat français au Liban. Merci beaucoup, Carla Aidé. Je rappelle votre ouvrage, Beyrouth, naissance d'une capitale, 1918-1924. Et merci à vous, Julie Dandurin. Et je rappelle là aussi vos ouvrages, Colonialisme ou impérialisme, le parti colonial en pensée et en action. Et puis, votre ouvrage, Henri Gouraud, photographie d'Afrique et d'Orient, les trésors des archives du Quai d'Orsay.

C'est plutôt l'image inverse qui prévaut, parce que Robert Dequay, par exemple, aimait beaucoup dire que le Levant, c'était la Cendrillon des entreprises d'outre-mer, et que la France ne s'est jamais intéressée autant au Liban ou à la Syrie qu'au Maroc ou à d'autres territoires. Donc les avis sont très divergents selon là où on se place. Et nous le voyons aujourd'hui, hein, quand le mandat français est évoqué comme modèle. Évidemment, cela est très clivant et cela est très discutable. Quelle lecture avez-vous de ce retour du mandat français dans l'actualité quand on parle du Liban et de Beyrouth? Alors, moi j'attendais à ce qu'il y ait un retour du mandat français quand la guerre a éclaté en Syrie. Et puis, très étonnamment, personne n'en a parlé parce que finalement, le rapport de la France à la Syrie a été totalement occulté. Mais aujourd'hui, les Libanais, eux, aiment à rappeler le rapport avec la France et ils sont les seuls pratiquement à le faire dans cette région du monde. Les autres, les Arabes et le monde sunnite ne veut pas en entendre parler. Moi, j'ai découvert dans les archives, pour reprendre ce que vous veniez de dire, une phrase formidable de Faisal qui dit « Je ne veux pas utiliser le terme de mandat, parce que mandat, ça veut dire colonial. » Et oui, Faisal, éphémère roi de Syrie et puis voilà. Souverain direct principalement. Merci beaucoup, Julie Dandurin, pour toutes ces précisions. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Odile Joessel et Valentine Lovrin. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, c'est franceculture.fr, où on retrouve également le journal de l'histoire, ou bien en podcast, c'est la balado-diffusion, et des émissions à commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire, où vous êtes de plus en plus nombreux. Merci.